quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée aux grandes enquêtes sociologiques, anthropologiques, sociales et hygiénistes qui ont été préparées. Cette semaine a été préparée par Séverine Yattard avec nous. Aujourd'hui, nous rejoignons l'époque médiévale et les enquêtes royales. Qu'étaient donc ces grandes enquêtes royales commanditées par Louis IX ou ses successeurs dans le royaume de France? Quel rapport avait-elle avec les enquêtes judiciaires? Peut-on affirmer, comme le fait l'historienne Claude Gauvard, qui est notre invitée, qu'au Moyen-Âge, l'enquête est partout? Pour conclure notre semaine sur les grandes enquêtes, nous nous intéresserons ce matin à ces enquêtes royales du Moyen-Âge avec Claude Gauvard, donc professeur à l'Université de Paris 1, qui s'est lancé il y a plus de 10 ans sur ce thème et a publié avec d'autres à l'École française de Rome l'enquête au Moyen-Âge. Marie de Joux est également avec nous. Elle est historienne à l'Université de Paris à Panthéon-Sorbonne, au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Elle a publié « Les enquêtes de Saint-Louis, gouverner et sauver son âme », publié dans la collection « Le nœud gordien » aux presses universitaires de France, et également Laure Verdon avec nous et avec Séverine Yattard, professeure d'histoire médiévale à l'université d'Aix-Marseille, qui a co-dirigé une ANR, donc grande enquête, pourrait-on dire, universitaire, autour de l'enquête au Moyen-Âge. Ça s'appelle « L'enquête en question » aux éditions du CNRS. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour à vous Laure Verdon. Bonjour. Et enfin bonjour Claude Gauvard. Bonjour. Alors pourquoi peut-on dire que l'enquête est partout au Moyen-Âge? Écoutez, on a dans la tête, bien sûr, d'abord une première forme d'enquête à l'époque carolingienne, emissi dominici, qui sont envoyés pour surveiller. Ça fait partie de la réalité, mais aussi du légendaire historique de notre propre société. Donc ça, je dirais, des enquêtes pour surveiller. On y reviendra avec les enquêtes de Saint-Louis, mais c'est déjà à l'époque carolingienne. Deuxième forme d'enquête... l'enquête de ce que j'appelle de juridiction, c'est-à-dire de propriété. Vous avez une contestation avec votre voisin, qu'est-ce qui se passe? On va chercher... À qui appartient la propriété? Absolument. Et on va chercher des preuves. Et les preuves, à l'époque médiévale, c'est d'abord ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et seulement ensuite ce qu'on a lu. C'est le témoignage, donc. Absolument. Il faut des témoins. Et ces témoins, il en faut plus de deux, puisque, selon la formule, un seul témoin, pas de témoignage. Je le traduis, si vous voulez, du latin. Donc, il y a c'est structurel. Si vous prenez toutes les archives des grandes abbayes, dès le XIe siècle, vous avez essentiellement des contestations au civil, très peu au criminel, au civil, sur des conflits de juridiction. Et là, on voit bien qu'il y a eu des enquêtes qui se terminent par des accords. Bon. Avec droit romain ou sans droit romain, le problème n'est pas là. C'est une démarche, si vous voulez, qui est, et qui s'accentue évidemment à partir du XIIe siècle, à partir du moment où le droit romain entre, si vous voulez, comme un élément codifiant l'enquête dans une procédure inquisitoire. Et puis, il y a une troisième raison structurelle, et là, on est dans le pouvoir royal. La troisième raison structurelle, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le roi n'agit pas ou ne prend pas de mesures en se levant le matin et en disant « Aujourd'hui, tiens, j'ai pensé à l'abbaye de Saint-Denis, je vais lui donner un privilège. » Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision pratiquement, à 90% pour les lois, d'ailleurs, pour les ordonnances, de grande ampleur, s'est pris à la suite de requêtes. Mais ces requêtes, de temps en temps quand même, supposent de la part du pouvoir royal une démarche inverse qui est l'enquête. D'aller y voir. Et qui dit requête, dit que ça part du bas alors, Claude Bouvard. Voilà, absolument. C'est une demande du peuple, entre guillemets. Absolument. Le législatif est fondé sur la requête. Alors, ça veut dire que quand on parle d'enquête au Moyen-Âge, en latin, on parle à la fois d'un moyen de gouverner, et ça sera un peu le cœur de notre discussion, et aussi d'un maillon de la procédure judiciaire. Alors, la procédure judiciaire, vous avez raison de le rappeler, parce que c'est fondamental, c'est inspiré, bien entendu, de l'enquête, et la procédure judiciaire se codifie à partir du XIIe siècle, mais surtout au XIIIe siècle. Et pour ce qui concerne la royauté, on va dire que la conquête de la justice inquisitoire, c'est entre le XIIIe et le XIVe siècle, avec justement ces fameuses enquêtes de Saint-Louis, et puis la constitution du Parlement avec l'appel. Donc on est à la, vraiment, on va dire, dans le dernier tiers du XIIIe siècle pour ce qui est de l'appel. Et puis là, parce qu'il y a la différence entre la constitution et le fonctionnement, bien entendu. Et le Parlement se met vraiment en place au début du XIVe siècle. Et là, ça fonctionne très bien. Et là, on a une procédure inquisitoire. Alors, Laure Verdon, une des questions qu'on peut se poser, c'est le rapport entre la royauté française, donc du XIe ou du XIIe siècle, et une autre royauté qui visiblement a déjà installé depuis un certain temps cette procédure d'enquête sur son propre sol, c'est-à-dire la royauté anglaise, issue de la royauté normande, enfin, de l'arrivée des Normands et de la conquête de Guillaume le Conquérant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là peut-être l'origine de ce qu'on va connaître plus tard sur le territoire français, ou est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, ou est-ce que ça s'est séparé d'une certaine façon, cette procédure d'enquête royale qui serait antérieure sur le territoire anglais à ce qu'elle n'a été sur le territoire français, Laure Verdon? Alors, vous posez là la question des origines, en fait, de l'enquête et des modèles ou des sources d'inspiration possibles qui sont très diverses. En fait, c'est très, très difficile de faire la généalogie de l'enquête parce que, justement, elle est multiple et parce qu'elle peut avoir différents objectifs, même si la procédure, d'une certaine manière, est toujours la même, puisque c'est une procédure, on va dire, judiciaire et juridique, inquisitoire. Alors, effectivement, en Angleterre, c'est le pays où l'on connaît, enfin la région où l'on connaît peut-être les premières enquêtes du type de celles dont on va parler, enquête royale, domaniale, d'information générale, etc. On cite souvent le Domesday Book. Le Domesday Book, voilà. Mais il y a d'autres régions où ce type de procédure a pu avoir lieu dès le XIIe siècle, par exemple en Italie. Dans les communes d'Italie du Nord, où l'enquête va devenir véritablement un outil de gouvernement dans le cadre de ces communes, et même un outil de bon gouvernement. Ça entre même dans la constitution urbaine, l'enquête et ses résultats. Et puis, pour rester sur l'Italie ou sur ces espaces méridionaux, les enquêtes, on va les connaître, ces enquêtes dites générales, on va les connaître à partir du début du XIIIe siècle, un petit peu partout, et notamment dans le cas du royaume de Sicile. L'une des origines possibles de l'enquête générale, ce sont les constitutions de Melfi, donc les constitutions de Frédéric II en 1231, qui établissent le principe d'enquêter de manière régulière sur tout le territoire soumis à l'empereur, et donc au roi de Sicile en l'occurrence, pour deux objectifs principaux: contrôler l'administration et corriger tous les délits, connaître et sanctionner tous les délits qui auraient pu avoir lieu. Et cette difficulté, peut-être Marie Dejoux, à retrouver la généalogie de cette enquête, est-ce qu'elle est due aussi alors à la question tout simplement des archives, c'est-à-dire comment elle, matériellement, qu'est-ce qu'elle représente cette enquête? C'est de l'écrit, entre l'écrit et l'oral. Vous dites vous-même dans votre thèse que elles sont à l'état d'épave, finalement, d'une certaine manière, ces enquêtes qu'il faut rassembler des traces, j'imagine, de certaines enquêtes que d'autres sont perdues, ne sont pas classées. Enfin, ça fait aussi tout l'objet de votre travail. Alors peut-être une toute petite précision. Moi, je souhaiterais tout d'abord définir peut-être très simplement ce qu'est l'enquête au Moyen-Âge, parce qu'on en parle déjà depuis tout à l'heure. En fait, c'est une procédure de recueil de l'information et de recherche de la vérité par l'interrogation de témoins jurés. Donc la parole est au cœur de l'enquête. Il s'agit de gouverner en recueillant la parole des sujets. Donc ça, c'est extrêmement signifiant de voir que justement le pouvoir royal, à partir de la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, estime que gouverner, c'est gouverner par aussi la parole des sujets. Et cette parole, vous avez raison, il faut la mettre par écrit, puisque la procédure d'enquête rend obligatoire cette mise par écrit. Alors cette mise par écrit, elle peut être relativement variable. Hein. Pour ce qui est des enquêtes que j'ai utilisées, les enquêtes de Louis IX, on est vraiment dans le laboratoire de l'enquête. L'enquête s'invente en temps réel. Le roi n'a encore jamais mené de grandes investigations à l'échelle de tout son royaume de France. On est en 1247, c'est ça ? On est en 1247 et jusque-là, on a plutôt des enquêtes qui sont particulières sur un point spécial, alors que là, cette fois-ci, il décide d'interroger tous ses sujets pour savoir qui a à se plaindre de son administration. Et selon les régions, on a pu procéder de façon très différente. Par exemple, en Languedoc, les gens viennent apporter leurs plaintes sur des petites pièces de parchemin, des cédules qui sont rassemblées dans des sacs, parfois recopiées sur des rouleaux ou recopiées ensuite sur des registres hein, pour que les enquêteurs puissent juger facilement. Parce qu'on imagine bien l'enquêteur en train de piocher ces petites percelles, ces petites papiers de parchemin épars. D'ailleurs, vous dites, en Languedoc, il y a la question de la langue aussi qui se pose, c'est-à-dire que l'enquêteur doit pouvoir communiquer avec ses... Tout à fait, il y a aussi la question de la langue, puisqu'en fait, les enquêtes, en règle générale, sont systématiquement traduites en latin, donc on a une parole qui est médiatisée par un formulaire, un questionnaire qui est posé aux gens. Il ne faut pas penser que c'est une parole vive. En plus, elle est retraduite. Et après, on arrive, si on arrive aux enquêtes qui ont été publiées, par exemple, par Thierry Pécou ou Laure Verdon, l'enquête Léopard, on peut arriver avec des monuments de papier, c'est-à-dire des séries de registres, d'une vingtaine de registres. Donc on voit qu'il y a aussi une élaboration des techniques de l'écrit qui se fait tout au long du Moyen-Âge et qui aboutit à de véritables monuments de papier, ce que ne sont pas les enquêtes de Louis IX. Claude Bouvard, en vous écoutant toutes les trois, on se dit, tiens, c'est un nouveau sujet. Or, en lisant, par exemple, Marie de Joux, on se dit, ben non, l'érudit du XIXe siècle, ça peut être, par exemple... Paul-Edgar Boutaric, en 1868, les trouve, les mêmes enquêtes que celles dans lesquelles a plongé Marie de Joux, les enquêtes de Saint-Louis. Et il dit, on admire avec quelle monotonie, malgré l'adversité des temps et des lieux, s'exerce la puissance que l'homme a pu faire d'une certaine façon. Une foule d'abus paraissent appartenir à des époques plus rapprochées de nous et beaucoup de faits blâmables semblent s'être passés hier. Donc on voit l'homme du 19e siècle qui, évidemment, lorgne sur la Révolution française et sur les cahiers de doléances. En quoi c'est un nouveau sujet, d'une certaine façon, cette question de l'enquête au Moyen-Âge, depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et comment les relie-t-on, ces enquêtes, toutes les trois? Comment reliez-vous ces enquêtes à l'historiographie contemporaine, Claude Gouvard? Écoutez, je pense que Boutaric avait dans la tête l'idée que ces enquêtes de Louis IX étaient un monument. Bon, voilà. Alors... ce n'est pas un monument parce que ça a été conservé au Trésor des Chartes. Voilà la raison. Et là, on a justement dans le volume sur l'enquête un très bel article de Yann Potin qui montre que ça n'est pas un monument et qu'il y a là tout simplement des bribes, des morceaux, si vous voulez, de témoignages. Ce qui nous reste. Voilà, ce qui nous reste. Et ce n'est pas parce que ça a été conservé dans le Trésor des Rois qu'il y a à les ériger... Hein, comme le premier principe de gouvernement. Voilà. Bon. Alors après, est venu justement, et dans un prolongement tout à fait fructueux, le travail de Marie de Joux, qui montre, alors là, preuve en main, si j'ose dire, que, en donnant justement des reproductions, même dans sa thèse, dans son livre, de ces petits morceaux de papier pratiquement illisibles, hein, qui sont les témoignages. Bon. Alors ça, c'est un premier élément. On a toujours, même si on a beaucoup d'admiration pour Boutaric et pour d'autres du 19e siècle, ouais. L'historiographie avance. Et la royauté est étudiée, si vous voulez, comme un système politique, dont je vous ai dit tout à l'heure à quel point, finalement, il laisse la parole au sujet, même si... Les sujets préférés sont évidemment les nobles ou les grandes abbayes. Oui, parce qu'on n'a pas dit qui sont ces sujets, non, qui voilà, sont ces gens qui témoignent. C'est pas les pauvres. Mais pas seulement. Ce que montre très bien Marie de Joux, et ce qu'elle peut dire mieux que moi, c'est que il n'y a pas que des nobles, bien loin de là, qui sont interrogés, mais il y a quand même des gens honorables, c'est-à-dire de bonne renommée. Hein, les bons sujets sont des gens qui sont de bonne renommée. Alors, on a donc une analyse politique du système politique, voilà, de la royauté, qui est différent et qui fait que, on y est arrivé comment je suis arrivée, si vous voulez, c'est un peu la question que vous me posez, ben oui. Par le biais de la justice. Ouais. Si vous voulez, c'est parce que j'ai étudié le système judiciaire que je me suis rendu compte que l'enquête était partout, pour reprendre l'expression, mon expression favorite, parce que le système judiciaire a évolué. Mais attention, il a aussi, on a bougé. C'est-à-dire que les théories d'Esmin, qui sont effectivement des théories très anciennes maintenant, disaient, on est passé d'une procédure accusatoire fondée sur l'ordalie, le duel judiciaire, etc. Voilà, bon, à une procédure inquisitoire et à partir du XIIe siècle. Mais non, non, la procédure inquisitoire est encore pétrie d'accusatoires. Au XVe siècle. J'ai encore quelques ordalies encore au XVe siècle, même si elles sont interdites depuis la 34. Donc, vous voulez dire, c'est qu'effectivement, là où on avait des systèmes qui étaient clos et qui disaient on passe d'une période à une autre, tout votre travail aux unes et aux autres, c'est justement de montrer la lente pénétration de cette procédure inquisitoire, par exemple, dans le territoire français, mais aussi l'interpénétration de cette question des enquêtes judiciaires et des enquêtes royales, par exemple, Laure Verdon, sur ce point. Oui, en fait, d'abord, pour revenir sur la question des monuments de papier et des monuments historiographiques identifiés comme tels au XIXe siècle, il y a bien entendu les enquêtes de Saint-Louis, mais il y a également celles dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui sont les enquêtes provençales, donc qui font l'objet d'une édition par une équipe sous la direction de Thierry Pécou depuis maintenant une dizaine d'années également, et qui sont des enquêtes que l'on connaissait, que les érudits locaux connaissaient, qui ont d'ailleurs été réalisées dans les années 1330 sur tout le territoire provençal à la demande du roi Robert Ier de Naples, et dont l'enquêteur en chef qui a été donc commis à cet office s'appelle Leopardo da Foligno, sur lequel on pourra revenir éventuellement si vous voulez. Ces enquêtes ont été d'abord utilisées jusqu'au XVIIIe siècle. Ce sont des documents vivants jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis ensuite... Vous voulez dire des documents qui permettent de dire la propriété vient de là, etc. C'est un outil de notaire et un outil même pour la population, pour les communautés en particulier, pour prouver leurs droits. Et là, on rejoint ce que disait Claude Gauvard tout à l'heure. La question de la propriété et des conflits liés à la propriété est fondamentale dans la procédure de l'enquête. Et puis, ce sont alors des enquêtes qui ont été, en fait, à partir de 1682, réaménagées. Enfin, leur conservation a été réaménagée, reclassée, et du coup, on en a perdu l'unité. Et il a fallu attendre le 19e siècle, le Second Empire, un conservateur en particulier qui s'appelait Louis Blancard, pour qu'on retrouve cette unité. Donc c'était plus difficile aussi pour les historiens jusque-là de les repérer, parce qu'il fallait vraiment passer en revue un grand nombre d'enquêtes. Mais c'est pas le cas pour toutes les enquêtes, cette conservation, puisque vous dites, vous, Marie de Joux, que c'est un peu, tout est un peu mélangé, pas classé, qu'il faut remettre les choses bout à bout. Ce qui peut mettre en doute justement l'idée que ça peut être un outil et que cela peut avoir un usage postérieur au moment de l'enquête elle-même. Alors je rappelle que les enquêtes que j'ai étudiées sont assez particulières parce qu'elles ont véritablement été considérées comme les ancêtres des enquêtes politiques et des enquêtes royales. Et en fait, une procédure ne s'invente pas toute seule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'un seul coup d'avoir des procédures qui sont efficientes dès le départ. Donc en fait, moi, mes enquêtes avaient été érigées au statut de monument, puisqu'elles avaient été éditées par Delisle dans un beau registre. Parce que c'était les premières, d'une certaine façon. Enfin. C'était les premières, et en effet, du coup, le matériel est complètement hétéroclite. Mais quand on se situe avec l'enquête Leopardo da Foligno, on est à la fin de la boucle documentaire, quasiment, où on est capable de faire véritablement des outils de gestion, des outils de gouvernement, qu'on peut réutiliser, en effet, pour mener d'autres enquêtes, ce qui n'est pas le cas des enquêtes de Louis IX. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h28 sur France Culture, nous poursuivons cette dernière émission de notre série consacrée aux grandes enquêtes en nous intéressant aux enquêtes médiévales, les enquêtes royales. Séverine Liattard. Oui, d'un point de vue plus concret, hein, pour qu'on s'imagine un petit peu cette mise en place des enquêtes. Alors Marie Dejoux, alors qui sont ces enquêteurs, qui sont ces personnes que le roi commissionne pour aller recueillir donc la parole des témoins, des laïcs, des ecclésiastiques. Quels ecclésiastiques? C'est un peu ce que vous avez établi aussi dans votre recherche, une sociologie finalement de ces enquêteurs. Le profil des enquêteurs évolue selon le but même de l'enquête, hein, si je puis dire, et selon la période aussi. Si l'on se penche par exemple sur les Missi Dominici, ce qui est assez surprenant, c'est que on s'est pas livré en fait à une véritable étude de l'identité de ces Missi Dominici. Mais là, on est au 9e siècle, c'est sous Charlemagne. Là, on est au 9e siècle, on est sous Charlemagne, on est au tout début. Mais on se rend compte qu'en règle générale, c'est un clerc et un laïc. Quand on se situe à la fin du Moyen-Âge, au XIVe ou au XVe siècle, pour ce qui est des enquêtes extraordinaires menées par le roi sur tout son royaume, on est aussi, en règle générale, face à un laïc et un ecclésiastique, preuve d'un bon équilibre, en fait, entre ces deux composantes du gouvernement et de la société. Et ça permet aussi de poser la question du rapport entre les enquêtes, par exemple, inquisitoriales de l'Église et ces enquêtes qui sont des enquêtes royales. Est-ce que les procédures sont proches, diverses, différentes, en l'occurrence, Marie Dejoux? Alors, la procédure, on l'a dit, elle est toujours à peu près la même, puisqu'il s'agit de recueillir des témoignages, de faire témoigner des gens dont la parole est une preuve. Pour ce qui est de l'identité des enquêteurs, il y a quand même un rapprochement qu'on peut faire entre l'Inquisition et les enquêteurs de Louis IX, puisque, comme je le disais, d'habitude, le profil canonique, c'est un clerc et un homme du roi, un chevalier. Et bien, dans les enquêtes de Louis IX, qui sont des enquêtes de réparation, le roi cherche à réparer les exactions qu'il a commises envers son peuple. Il utilise uniquement des ecclésiastiques. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Et pas n'importe quel ecclésiastique. Pas n'importe quel ecclésiastique. Voilà, c'est-à-dire que, bien entendu, pour une moitié d'entre eux, il s'agit de clercs du roi, qui sont rompus aux droits et soucieux des droits du roi, qu'ils connaissent très bien et qui vont défendre pied à pied. Mais on a aussi toute une autre moitié qui sont des réguliers, et notamment des mendiants, qui sont sortis de leur couvent pour venir enquêter pour le roi de France. Et on se rend compte, par exemple, c'est le lien que vous faisiez entre les inquisiteurs et les enquêteurs, que par exemple dans le sud de la France, après la croisade des hérétiques, Louis IX n'envoie pas de mendiants exceptionnellement dans cette région. Il les envoie partout en France, mais pas là, parce qu'ils ont laissé un particulièrement mauvais souvenir. Alors on peut dire que les Dominicains en particulier. Aux populations locales. Voilà. Donc, du coup, il a bien à cœur qu'on ne confonde pas ces enquêteurs avec ces inquisiteurs. Mais sinon, cette utilisation des frères mendiants, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement particulier. Et puis, cette enquête, elle se fait à pied. Et elle parcourt le territoire aussi. C'est aussi cette particularité, c'est-à-dire que c'est une enquête géographique en même temps qu'une enquête, disons, qui rend grâce à ces sujets du roi dans leur rapport, Claude Gauvin. Oui, d'autant plus qu'il n'existe pas de carte du royaume, pas avant la fin du XVe siècle. Donc l'enquête est un moyen aussi de parcourir le territoire. Oui. Je crois que c'est une dimension importante. Et sur ce point, alors, Verdon? Oui, alors la dimension itinérance, effectivement, est fondamentale dans l'enquête. Alors ça peut être l'itinérance de l'enquêteur qui va se déplacer sur un territoire particulier. Ça peut être aussi l'itinérance des témoins. Qui viennent jusqu'à lui. Il se met dans un évêché, par exemple. Il se met, voilà, ou dans un chef-lieu de baillis, de viguerie, et il fait appel à ses témoins. Alors, les témoins peuvent venir par délégation, et on revient là sur la question de qui sont les témoins. Ce peuvent être des notables qui représentent les communautés villageoises, parfois même accompagnés de certains de ces villageois, comme pour les enquêtes du Dauphiné, par exemple, où les villageois viennent également accompagner leurs élus, puisque ce sont des élus, en fait, et porter la parole donc de la communauté, affirmer qu'ils ont bien été élus et qu'ils disent effectivement la vérité. Mais comment ont-ils vent de la venue de ces émissaires royaux dans leur territoire? Alors, la question de la publicité de l'enquête est également fondamentale. Il y a même une procédure qui est ce qu'on appelle la préconisatio, qui oblige théoriquement, parce qu'en pratique, on ne voit pas trop comment les choses peuvent être contrôlées, mais qui oblige théoriquement à venir témoigner, à venir porter cette parole. Ça me permet de parler du rituel de l'enquête, qui est également tout à fait fondamental. C'est une responsabilité que de témoigner. C'est aussi pour ça qu'on est théoriquement obligé de le faire. Parce que la parole du témoin, qu'il soit notable, qu'il représente une parole collective ou qu'il soit un témoin particulier, va être considérée comme une expertise. Ce qu'il va dire, c'est ce qu'il sait. Parce que il l'a vu, il l'a entendu, il a la pratique du droit. C'est donc une preuve. C'est une preuve pour cette raison, et donc c'est une expertise véritablement la parole que cette parole du témoin. Est-ce qu'on récuse un témoin, par exemple, dans ce genre d'enquête? On peut. Et les témoins ne sont pas obligés de parler non plus. Ou alors ils peuvent ne pas répondre à la question, c'est-à-dire en profiter pour affirmer leurs droits ou les droits collectifs, alors que ce n'est pas du tout la question qu'on est en train de leur poser. Ou ils peuvent dire qu'ils ne savent rien. Donc c'est une parole contenu dans un moule juridique, mais qui n'est pas une parole contrainte comme dans une enquête d'inquisition. Ça me fait penser, Marie Dejoux, c'est un risque que prend le roi en lançant ses gens sur les routes, et d'une certaine façon, parce qu'il va contrôler son territoire, mais d'une certaine façon, il va faire surgir une parole qu'il n'aurait pas fait surgir s'il n'avait pas lancé ses gens sur son territoire, Marie Dejoux. Alors rassurez-vous, en règle générale, il y a un formulaire qui est assez précis pendant toutes les enquêtes, puisque justement, là, il n'est pas question de libérer la parole des sujets. C'est a été une des lectures de l'enquête qui a fait beaucoup de tort, justement, historiographiquement, à ce thème-là. On peut penser à Montaillou, village occitan, sans aller aussi loin, avec l'histoire des représentations, qui a voulu faire, et l'histoire des mentalités, qui a voulu faire de l'enquête la voix du peuple qui s'exprimait pour une première fois de manière sans retenue. Alors que Bourdieu l'a bien montré, l'opinion publique n'existe pas. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la manière dont est formulée cette parole, c'est aussi tous les encadrements qui ont été portés par le pouvoir. Alors, bien entendu, par exemple, dans les enquêtes de Louis IX, on doit venir se plaindre de quelque chose qu'on peut évaluer monétairement. C'est-à-dire, par exemple, le bailli m'a pris mon bœuf. Ce bœuf coûtait 3 sols. Je revendique donc 3 sols. C'est pour ça qu'on appelle ça des enquêtes de réparation. Voilà. Que pensez-vous du gouvernement de Louis IX? Il n'y a pas de questions ouvertes comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez raison quand même de dire qu'il y a un risque qui est couru, et le risque, il est couru par le témoin. C'est-à-dire que venir incriminer le roi de France ou venir incriminer ses officiers, c'est pour cela aussi qu'on recourt aux mendiants et notamment aux dominicains, qui sont les grands prêtres de la prédication à l'époque, puisqu'ils vont convaincre les foules qu'il n'y a aucun risque et qu'ils sont là pour venir sauver l'âme du roi et qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ne risquent rien à venir porter cette parole. En même temps, vous dites, Marie Dejoux, que les accusés, c'est le roi, les baillis et les fonctionnaires, en fait, du roi. Donc, il y a à la fois un risque, puisqu'il doit répondre. Vous dites 28%, c'est le roi lui-même. Les accusations sont portées, voilà, entre guillemets, contre le roi. 15% les baillis et 47% les officiers subalternes, en fait. Donc, après, vous expliquez aussi que c'est une manière pour le roi de contrôler ses propres officiers, ses propres fonctionnaires. Alors, au moment où le roi part à la croisade, en 1247, il a quand même tendance à reporter la faute quasi intégralement sur ses officiers. C'est-à-dire que les plaintes qui sont portées contre le roi le sont contre ses prédécesseurs, et non pas contre lui. On entend ça quand on parle de l'héritage en termes de politique contemporaine, c'est jamais de la faute du gouvernant d'aujourd'hui, exactement. C'est toujours la faute de l'héritage de ceux qui étaient avant lui. Et c'est la même chose pour les baillis, qui sont les grands officiers du royaume. On accuse les baillis qui ont été sur le terrain auparavant, mais pas ceux qui sont en fonction. Donc on voit bien que le pouvoir royal n'est pas là pour se déstabiliser, pour saper son autorité par l'enquête. c'est bien au retour du roi de la croisade qu'il va vraiment faire des investigations sur ses propres exactions. Et puis, il est là aussi pour établir ses droits dans des nouveaux territoires qu'il vient de conquérir. Marie de Joux évoquait évidemment le sud de l'Albigeois au moment de la croisade albigeoise, mais ça sera le cas aussi après la bataille de Taillebourg en 1242, qui voit la défaite du duc de Lusignan et de ses alliés anglais, et d'une certaine façon la récupération du Poitou par Louis IX. Et en l'occurrence, il va envoyer des gens dans le Poitou ou en Touraine pour pouvoir courir les routes et demander ses droits d'une certaine façon sur ce territoire. Je pense que c'est quand même un moyen de gouvernement extraordinaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, je suis pas tout à fait d'accord, moi, avec l'idée de l'opinion publique, qui, bien sûr, elle n'est pas libérée. Mais évidemment, ça n'existe pas, une opinion publique libérée. Mais même de nos jours, enfin, ça, on pourra en discuter longuement. Mmh. Mais je crois qu'il faut remettre l'enquête dans un système d'information. Mmh. Le roi a besoin de savoir aussi quel est le pool de ses sujets. C'est-à-dire, finalement, et j'ai dit exprès sujet, car c'est une forme de mise en suggestion, l'enquête. Et par conséquent, c'est un pas politique énorme pour la royauté. Ça veut dire que si on enquête et si on témoigne dans une enquête, ça veut dire qu'on accepte l'autorité du roi. Mais bien entendu. Mais bien entendu, on l'accepte dans le moule que vient de définir justement Marie de Joux, en disant, voilà, je réponds et je suis fière. Ça va beaucoup plus loin. Je suis fière de répondre dans le cadre d'une enquête royale. Oui, sur ce point, est-ce que vous voulez avancer en l'occurrence? Oui, effectivement, le témoignage est peut-être un risque, mais on peut aussi, c'est une sorte de dialogue où peut-être Marie préfère le terme négociation du pouvoir, et je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est une manière quand même de donner la parole au sujet, pas de façon débridée, mais de négocier le pouvoir par là, avec tous les sujets, pas simplement les plus notables d'entre eux. Et dans cette... Ça fait dégonfler des révoltes potentielles, vous pensez? Alors, on peut le penser, ou en tout cas, l'un des contextes possibles de lancer une enquête, c'est celui-ci, hein, de prévenir une révolte, ou parce qu'on a eu un certain nombre d'informations de qui laissaient penser, voilà. Ça peut être également autre contexte possible, un moment délicat pour la monarchie. Je pense justement aux enquêtes de Leopardo da Foligno le début des années 1330 pour le roi Robert Ier de Naples. C'est un moment difficile, donc ça va être une manière un petit peu de reprendre en main ses possessions et ses sujets. Mais les sujets peuvent aussi pas forcément de manière volontaire, ne pas dire la vérité. Par exemple, dire que non, ils ne doivent pas telle ou telle taxe au roi, alors qu'en allant vérifier dans les archives, ce que les enquêteurs font toujours, l'enquête est une, doit être comprise comme un élément d'une chaîne documentaire, en fait. En allant vérifier dans les archives, on s'aperçoit que si, ils devaient bien, la communauté devait bien telle taxe, mais ça prend des années à vérifier. Et c'est peut-être pas volontaire au départ. Et il y a une sanction? Ils vont devoir payer la taxe, effectivement, oui, mais il n'y a pas de sanction. Non, l'enquête n'est pas là pour sanctionner, en fait. L'enquête est là pour révéler. Marie de Joux, sur ce point et sur cette avancée, justement, de ce tâtonnement, puisque vous nous décrivez un tâtonnement technique, pourrait-on dire, de ce qu'est une enquête et cette relation entre le rapport de vérité entre celui qui demande la vérité et celui qui lui donne une vérité qui n'est peut-être pas la vérité, en l'occurrence, Marie de Joux. En effet, on se rend compte qu'il y a des témoins qui peuvent avoir intérêt à modifier la réalité. Moi, par exemple, dans les enquêtes qui étaient les miennes, très souvent, des déposants vont venir gonfler le montant des pertes qu'ils disent avoir endurées. C'est de bon jeu, puisqu'en fait, on ne fait jamais d'escroquerie à l'assurance aujourd'hui, donc ça n'arrive exactement. Jamais. Exactement. Il faut voir, en fait, que les hommes du Moyen-Âge sont aussi ce qu'on appelle des consommateurs de la justice. Ils ont bien compris leur intérêt. Et par exemple, ils vont user des tribunaux par lesquels ils pensent qu'ils vont obtenir plus facilement gain de cause. Donc c'est comme ça, par exemple, que le roi vient superposer ses enquêtes aux enquêtes seigneuriales pour pouvoir montrer qu'en fait, il vaut mieux passer par lui, que sa justice est meilleure. meilleure d'une certaine façon que la justice des seigneurs ou que la justice ecclésiastique. Donc il faut voir aussi cette concurrence entre les différents justiciers au Moyen-Âge, et il faut aussi rendre à l'acteur médiéval toute son agency. Hein. Il est capable de savoir... Sa capacité de s'organiser et de répondre à la contrainte. Il est capable de savoir par quelle voie passer. Claude Gauvard ? Ah oui, non, et ça marche bien. C'est-à-dire que finalement, le roi finit par gagner. Et c'est très intéressant de voir que on a parlé de négociation, c'est le terme qu'il faut retenir, je crois. Tous ces gens-là sont là pour négocier. Ils savent parfaitement ce que c'est qu'une négociation. Donc, la négociation entre privés, si vous voulez, elle est très compliquée. Elle existe, bien entendu, elle continue même jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais ces acteurs n'ont pas de, comment dire, de cadre. Alors que le cadre royal qui leur est proposé est un cadre clair, précis, que ça soit d'ailleurs en Provence, où c'est un cadre royal aussi, et ou bien dans le royaume de France proprement dit, on a un cadre, et ces gens-là se précipitent dans ce cadre qui les rassure et qui fait que la suggestion se crée d'un individu... Suggestion, l'état de sujet en l'occurrence. Ah oui, l'état de sujet, c'est ce que j'appelle la suggestion. L'état de sujet qui se double d'un sentiment d'appartenance. Et prenons l'exemple de ces territoires qui sont sous la tutelle du roi de France, mais aussi sous la tutelle du roi d'Angleterre, par exemple. Quand il y a des parties du territoire, l'Aquitaine ou justement le comté de la Marche, qui vont tomber dans l'escarcelle du roi de France, après avoir été sous la houlette du roi d'Angleterre. Qu'en est-il justement de cette concurrence que vous nous décrivez, Marie de Joux, par exemple ? Est-ce que l'un va dire « je suis un meilleur... garant de mes sujets, un meilleur garant de la justice pour mes sujets, les enquêtes sont mieux menées » ou est-ce que vous avez la trace de ça ou pas du tout d'une certaine façon ? Je n'ai pas véritablement de trace de cette compétition menée entre les souverains pour l'exercice de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que par contre, Louis IX, quand il mène ses enquêtes, décide de les étendre aux terres apanagées, c'est-à-dire aux terres qui appartiennent à ses frères, par exemple. Que ça Alphonse lui permet de Poitiers, faire quelques petites incursions dans les comtés voisins, mais on ne va pas faire d'incursion dans le territoire du roi d'Angleterre. Et pour Alphonse de Poitiers, ça a été aussi étudié, effectivement, récemment, par Chénard. Mais là, les sources, et ça, c'est intéressant à noter, il n'y a pas de, si vous voulez, de sources d'enquête au sens strict, mais il y a la comptabilité. Oui. Voilà. On voit, mais c'est intéressant de voir que ça se complète, mais il y a quand même des enquêtes, diligenté par Alphonse de Poitiers. Séverine. Alors, la question de l'usage, l'enquête réformatrice, alors, est-ce que... Je pense qu'au début du Moyen-Âge, on n'en est pas là. Elle va le devenir peut-être par la suite, donc, puisqu'on est quand même sur cette idée que l'enquête, elle permet aussi de gouverner. Est-ce qu'elle permet de réformer ? Laure Verdon. Elle se dit de réformation, effectivement. Alors, dans la typologie des enquêtes, on en est beaucoup revenu, hein, mais on avait cru pouvoir distinguer l'enquête domaniale de l'enquête administrative, de l'enquête dite de réformation. Mais il y a toujours une dimension réformatrice dans l'enquête, qu'on peut appeler générale, on va dire, parce que elle vise aussi à corriger les abus de l'administration, ceux qui sont dénoncés, à établir le bon gouvernement, etc. Donc cette dimension, c'est une dimension politique fondamentale dans l'enquête, effectivement. Marie Dejoux. Pour ce qui est du Capétien, en fait, on peut dater très précisément l'entrée de ce vocabulaire de la réforme et de la réformation dans le champ politique. C'est la lutte de Philippe le Bel avec le pape Boniface VIII qui le menace de le réformer lui. Et son royaume. Et du coup, bien entendu, Philippe le Bel va répondre en disant qu'il n'a pas besoin du roi pour réformer son royaume. Et Pour réformer son royaume. Et il nomme ses premiers enquêteurs réformateurs, qui cette fois-ci ne sont plus là pour réparer les fautes du roi, mais sont là pour faire en sorte que les recettes royales rentrent correctement dans le trésor. Donc vous voyez comment est-ce que la réforme n'est pas forcément à l'avantage du sujet. Thank you. extrait de la pièce Tots Altres Joyce, donc de Bernard de Ventadour. Nous étions il y a quelque temps ici même pour parler de l'amour courtois et nous avons parlé évidemment de Bernard de Ventadour. Continuons notre débat avec Séverine Yatard, Laure Verdon, Marie Dejoux et vous-même Claude Gauvard autour de cette question de l'enquête au Moyen-Âge, cette question de la réformation, de la réforme de l'enquête utile pour pouvoir réformer le royaume, c'est important et surtout et plus on avance dans le Moyen-Âge en l'occurrence. C'est très important et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du XIVe siècle, les réformateurs vont dire qu'ils veulent revenir au temps du bon roi Saint-Louis. Et vous voyez que ça a donc complètement occulté les fameuses enquêtes de Saint-Louis qu'on a prises pour des enquêtes de réforme générale du royaume, ce qu'elles ne sont pas, mais ce qu'elles deviennent, si j'ose dire, à partir du XIVe siècle, au moment où il y a des contestations politiques qui font que la noblesse et le clergé prennent en main l'idée de réforme du royaume. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de réforme? C'est une idée de réforme des mœurs. Ça va jusque-là. Hein, et si on regarde ce qui se passe au milieu du XIVe siècle avec la grande ordonnance du 3 mars 1357, suivie de la nomination de 9 réformateurs, parmi les plus grands personnages intellectuels du royaume, il y a dedans effectivement Philippe de Vitry, qui est l'évêque de Meaux, qui est un des plus grands penseurs du milieu du XIVe siècle, eh bien, on va parcourir le pays, c'est ce qu'il aurait assigné comme but, pour réformer les mœurs. C'est-à-dire, du coup... Contrôler quoi, justement? Contrôler les finances des... et la façon dont c'est gouverné, mais aussi les gouverner eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un retour. Et la suggestion, là, elle devient pesanteur. Parce que on vous décrit les réformateurs arrivant dans une place publique et disant « Mettez-moi là un échafaud » et aiguisant leur devoir, je cite de mémoire, pour finalement contraindre ceux qui ont mal géré, contraindre aussi les sujets qui ont mal agi et par conséquent développer la justice. Et il est très intéressant de voir que le prévôt de Paris s'appelle réformateur, grand réformateur du royaume, à partir de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. C'est celui qui est chargé de poursuivre les malfaiteurs dans l'ensemble du royaume, alors qu'il n'est que prévôt de la prévôté de Paris. C'est la même chose, Laure Verdon, dans le XIVe siècle, par exemple, du côté de la Provence? Oui, alors dans le XIVe siècle provençal, la réforme passe par l'agent public, en fait, par le contrôle du fonctionnaire. Il y a même toute une réflexion juridique qui va se faire jour à la cour de Naples à partir de la fin du XIIIe siècle, en fait, dans les années 1270-1290, autour de la question de qu'est-ce que c'est que le bon agent public et comment doit-il agir. Et ça se rapporte à une autre question plus vaste et plus politiquement encore plus importante, qui est la question de la domanialité publique et de comment poursuivre les droits et les biens qui ont été spoliés au souverain ou que l'on considère comme ayant été usurpés. Donc toute une théorie, en fait, qui se met en place par des juristes de l'entourage des souverains angevins à la cour de Naples. Est-ce que le roi perd parfois, justement, dans ces discussions avec soit ses sujets, soit une partie de son administration? Est-ce qu'il y a des exemples dans lesquels on peut dire que la contestation a été jusqu'au bout et que le roi n'a pas, d'une certaine façon, emporté le morceau? Je vois Claude Gauvard qui me dit « mais c'est pas possible, c'est impossible, Claude Gauvard ». Non, mais je vais même y aller plus loin. C'est-à-dire que la réforme donne lieu à des ordonnances de réforme prise à la suite de la clameur du peuple, etc. Pensons à celle de 1413, l'ordonnance cabochienne, qui n'a jamais été appliquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme toutes les ordonnances de réforme depuis 1302, elle répète les institutions. Et elle dit comment il faut qu'elles soient gérées. Autrement dit, pour moi, une ordonnance de réforme, c'est au contraire une ordonnance étatique. C'est-à-dire que ça vous renouvelle et ça vous assoit le pouvoir. Ça institutionnalise. Voilà, exactement. Ça institutionnalise. Oui, Marie Dejoux. Et on ne peut pas toujours faire un lien systématique entre la prise de l'ordonnance et l'enquête. C'est ce que j'ai essayé de montrer, en fait, pour les enquêtes de Louis IX, dont on disait qu'elles étaient véritablement le matériau à partir duquel Louis IX aurait fait sa grande ordonnance de réforme de son administration pour contrôler ses officiers, leur interdire de se marier sur place, leur interdire de rester trop longtemps dans leur bailliage, etc., etc. En fait, on se rend compte que le roi a édicté cette ordonnance à partir d'autres ordonnances, d'autres textes législatifs. Donc en fait, il ne faudrait pas vivre sur cette espèce de mythe que l'enquête, le recours à la parole des sujets, est ce qui permet de légiférer. Ça n'a jamais été le cas, ça n'est toujours pas le cas. Immédiatement, en tous les cas, parce qu'il faut le temps du dépouillement de l'enquête. Comment ça remonte Eh bien, très précisément, les enquêtes de Louis IX n'avaient pas du tout vocation à remonter vers le pouvoir royal, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas d'informer le roi sur les agissements de ses officiers, il s'agissait, sur place, de rendre justice aux gens. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée de la sujétion, parce qu'on voyait le XIVe siècle, la sujétion est déjà là. Mais imaginez, le roi recourt à une nouvelle procédure. On avait des communautés qui avaient l'habitude de régler leurs conflits entre elles, par leur d'allié. C'est-à-dire qu'avant de recourir à leur d'allié, avant de mettre sa main dans le feu, ça veut dire qu'on a d'abord essayé d'épuiser tous les compromis possibles et imaginables. Donc là, le roi essaie de mettre en place une procédure, qui est une procédure uniforme à tout son royaume. Il doit déjà convaincre qu'en fait, ça va permettre un plus grand accès, justement, des justiciables à la justice, une procédure plus équitable, etc., etc. Donc c'est pas pour rien que ces premières enquêtes, elles sont de réparation. Elles sont là pour donner aux sujets ce qu'ils ont perdu. Et le roi n'est absolument pas intéressé de savoir qu'on a rendu, justement, son bœuf à tel citoyen de Poitiers du tout. Mais on continue ensuite, c'est-à-dire que à partir du moment où les sujets acceptent à minima d'être les sujets du roi de France, là l'enquête peut devenir enquête de réformation, et là l'enquête peut se retourner contre les sujets d'une certaine manière. Mais pour cela, il y a toute une suggestion qui doit se d'abord passer par des mesures réparatrices avant de pouvoir passer par des mesures réformatrices. Est-ce que à la fin du Moyen-Âge, dont vous êtes spécialiste, Claude Gauvard, on peut dire que à la fois le maillage territorial, le contrôle des agents, comme vient de le dire Laure Verdon, par exemple, est meilleur et qu'au bout du compte, la façon dont on connaît son territoire et peut-être même la cartographie du territoire est meilleure parce que ces enquêtes s'accumulant les unes avec les autres, eh bien, au bout du compte, elles finissent par faire un paysage que l'on comprend mieux d'une certaine façon quand on est souverain ou d'administration. Je dirais pas meilleur, je dirais plus efficace. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine efficacité. On peut en avoir une preuve intéressante. Azincourt a détruit plus de la moitié des baillis et des sénéchaux, qui étaient des nobles. Mais les bailliages et les sénéchaussées sont restés. Et avec un système judiciaire, un système d'information, un système de capillarité fiscale, qui fait que, quand je dis capillarité fiscale, parce que, par des moyens divers, les impôts rentrent, et n'oublions pas que les impôts deviennent imposés à partir, on va dire, de 1430, grosso modo. Donc il y a là une efficacité évidente. Est-ce que c'est lié à l'enquête? Non, pas seulement. Mais c'est lié à cette suggestion dont l'enquête est un des moteurs. Marie Dejoux, et puis Laure Verdon pour conclure. Et dans cette même idée d'appropriation en fait, du territoire par l'enquête, il est très signifiant de se rendre compte que Louis IX, quand il fait ses enquêtes, les premières vagues, il est obligé de se couler dans le seul territoire qui est constitué comme tel à l'époque où il les lance, au milieu du XIIIe siècle, c'est le diocèse. Et c'est la répétition des enquêtes qui fait que progressivement, les enquêtes vont se tenir dans un territoire proprement royal qui est le bailliage. C'est-à-dire que les gens vont savoir à quel diocèse ils appartiennent, mais ils vont aussi savoir, grâce à l'enquête, à quel bailliage ils appartiennent, à quelle prévôté ils appartiennent. Donc on a aussi toute une dimension de territorialisation du pouvoir et qui va mener ensuite à sa possible cartographie. Mm-hmm. Sur ce point, et pour conclure, Laure Verdon. Oui, et pour conclure, je dirais que les enquêtes sont finalement trois objectifs qu'on retrouve à travers tout ce que nous avons dit, les unes et les autres. C'est avant tout connaître, c'est s'informer, mais c'est connaître pour mieux appréhender un territoire et un ensemble d'hommes. Faut pas oublier les hommes derrière le territoire pour pouvoir négocier en fait le pouvoir. C'est contrôler et réformer réformer son administration, mais aussi réformer l'état de la société. Et ça, ça touche de près à le troisième élément, qui est le devoir de justice. C'est juger, ou c'est pouvoir juger à partir de l'enquête. L'enquête ne juge pas, mais ça donne les moyens de juger et d'établir par là aussi une hiérarchie des pouvoirs et une hiérarchie sociale qui est le propre de la société médiévale. Et c'est ce qu'on appelle une vraie conclusion. Merci à vous, Laure Verdon, de l'avoir faite. Merci à vous, Marie Dejoux également, et Claude Gauvoir, de nous avoir montré combien ce territoire de l'enquête est un territoire passionnant pour tous ceux qui s'y intéressent, et en particulier profondément renouvelé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Merci beaucoup et merci Séverine Attard. Et si on veut en savoir plus, eh bien, on peut tenter de lire à l'École française de Rome. Je crois qu'il n'est plus disponible, l'enquête au Moyen-Âge, ce travail collectif que vous aviez dirigé, en l'occurrence Claude Gauvoir. Mais on peut lire aussi « Gouverner et sauver son âme, les enquêtes de Saint-Louis » publiées dans la collection Le Nogurdien sous votre plume. Marie Dejoux, c'est aux Presses universitaires de France. Et également « L'enquête en question » aux éditions du CNRS que vous avez co-dirigé, Laure Verdon. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie Vanave Olivier et Aurélie Marcet. Nicolas Delmas était avec nous à la technique et à la réalisation. Véronique Samuilov, demain, une émission spéciale dans le cadre d'une journée spéciale et d'un week-end même autour de William Shakespeare. Nous allons parler demain de l'époque Élisabeth. Quelle était cette époque et qui était Élisabeth Ière? Ça sera le thème de l'émission de demain.